J'ai rêvé de peace. Your sweet dreams are made of this. Retiste tout ça, j'ai rêvé de peace. Your sweet dreams are made of this. J'ai vu les fleurs parsemer notre maison, les rires, les pleurs de nos bambins dans le gazon. J'ai eu une vision émerveillée. Non, c'était trop bon, je ne veux pas me réveiller. Laissez-moi vivre dans un monde onirique. Mais dormir, c'est mourir un peu, la vie est ironique. Yeah. La vie est ironique, épéda. Il me faut mon épéda pour dormir autant que médite un petit Bouddha. À l'heure où sortent les voleurs, les crocodiles, moi je m'emporte dans les vapeurs psychoactives. Car besoin de sève, yeah. Besoin de rêve. Quand chaque matin la vie m'achève, elle est une ellipse. Entre la naissance et la mort, une éclipse. Le nirvana, c'est que tu t'endors. Cocotte, colis, colis, carrément craquant. Compétition de charisme, et là se dresse un sale bruit strident qui crisse mes dents et dresse mon épine dorsale. Je ne rêve plus, je crève. C'est quoi, c'est faux, j'en bus, mais trop, je suis haut. La vie, c'est urgent, laissez-moi tranquille. J'étais bien au Bahamas, je ne veux pas revenir. Les pieds dans la mélasse, un contrôleur passe et sans dire bonjour me fait face. Moi, je le prends avec humour. Ticket, aboie-t-il. Non, merci, j'en ai déjà un. Peut-être un autre jour, mais la réalité me colle à la peau comme une putain d'énigme d'Edgar Allan Poe. Je veux un son qui détend et un peu de repos, un hamac, un sombrero, un pulco ou du tempo. Viens là t'écraser. T'as pas envie de fille, un paquet de ça pas la faire. Vas-y, trouve-moi un beat crayon, non, tu sais plus quoi faire. Branche ce mic, trouve un beat qui déchire. Il me faut un truc qui claque, là j'ai trop besoin de me faire plaisir. T'as zéro rabat, j'ai les oreilles, des personnes passagées. Pas âgé, caragé, c'est pas la peine, c'est bien saccagé. Passez, partagez avec vous des morceaux magiques ou des gros bédos d'amnésique. C'est ça qui me fait marcher. Dans la place maintenant. Et même si je suis pas là pour longtemps. Barbie était tellement reposée. Je pourrais doubler le nombre de voyelles comme doubler le nombre de demoiselles qui tombent en gymnase. Y'a tellement peu de BPM. Je pourrais kicker des consonnes et parler d'elles-mêmes. Je te promets, ça choquerait personne. Je ferais des et puis des gros. Je suis un lion, pas un chat. Si tu me waf, moi je te grrrr. Ma bouche n'est pas en état. Désolé, c'est la fatigue. Mais moi je fais du pura. Je ne danse pas la gigue. Donc il faut que je me serve de ma voix. Tranquille. Que j'arrive à kicker ça. Ou bien sinon c'est. Je ne sais pas, je n'ai pas de rime en île. À part si j'habitais sur une île. Mais bon, ça serait dommage. Car je n'aime pas le fromage. Méchant tout ça. Dis donc, quelle inspiration. Je continue de vivre, tous les jours je prends mon médicament. Je continue de vivre, tous les jours je prends mon médicament. Hi Ram, where are you? We don't hear you. What are you? Just feeling the vibe, listening. Je suis un touche-à-tout sympa, mais je peux te faire saigner du nez. C'est mon côté loup-garou, viens pas me faire chier quand je suis mal luné. Tout à coucher pas, peux me prendre comme une envie de fumer. Le pumé, il faut me filmer dans le web.